petite dose d'amour frais, petite chose encore frais. Tes petites mains et tes petits yeux font de ces gens des gens heureux. Elle jouera dans votre histoire et partagera vos regards. Elle jouera dans un sourire. Dans un sourire, elle vous aimera sans le dire.